Un autre regard. L'enseignant. Tu as 6 euros dans la poche de ton pantalon. Tu perds 1 euro. Qu'est-ce qui te reste? Un étudiant. Un trou dans la poche de mon pantalon.